Chapitre 4. L'Esprit le dit clairement, certains hommes abandonneront la foi dans les derniers temps. Ils obéiront à des esprits trompeurs et aux enseignements des démons. Ils se laisseront égarer par des gens hypocrites et menteurs dont la conscience est morte, comme si on l'avait brûlée au fer rouge. Ces gens-là enseignent qu'il est mauvais de se marier et de manger certains aliments. Mais Dieu a créé ces aliments pour que les croyants qui connaissent la vérité, les mangent après avoir prié pour le remercier. Tout ce que Dieu a créé est bon, rien n'est à rejeter, mais il faut tout recevoir en remerciant Dieu, car la parole de Dieu et la prière le rendent agréable à Dieu. Si tu donnes ces instructions aux frères, tu seras un bon serviteur de Jésus-Christ. Tu montreras que tu te nourris spirituellement des paroles de la foi et du véritable enseignement que tu as suivi. Mais rejette les légendes stupides et contraires à la foi. Exerce-toi à vivre dans l'attachement à Dieu. Les exercices physiques sont utiles, mais à peu de choses. L'attachement à Dieu, au contraire, est utile à tout, car il nous promet la vie pour maintenant et pour le futur. C'est là une parole certaine qui mérite d'être entièrement reçue et crue. Voilà pourquoi nous travaillons et luttons, car nous avons mis notre espérance dans le Dieu vivant, qui est le sauveur de tous les hommes, et surtout de tous ceux qui croient. Recommande et enseigne tout cela. Ne laisse personne te mépriser parce que tu es jeune, mais sois un exemple pour les croyants dans ta façon de parler, ta conduite, ton amour, ta foi et ta pureté. En attendant que je vienne, applique-toi à lire publiquement l'Écriture, à prêcher et à enseigner. Ne néglige pas le don spirituel qui est en toi, qui t'a été accordé lorsque les prophètes ont parlé et que les anciens ont posé les mains sur toi. Aie soin d'accomplir cette tâche et de t'y donner entièrement, afin que tous voient tes progrès. Prends garde à toi-même et à ton enseignement. Demeure ferme dans tout cela. En effet, si tu agis ainsi, tu sauveras aussi bien toi-même que ceux qui t'écoutent.